Captain from Loop. Je comprends pas l'allemand. Ich bin kein comprendreter Mensch. Ja, ich bin pas comprendre. Pierre. C'est la musique droguée quand même. Bye. Fire. Il fait chier, merde, pas tant de trois plombs, moi. Ah, le cul. Ça fait quoi? Super! En vue! Et la 5, c'est

Ah si, j'ai trouvé.